Chapitre 3e. Monsieur Pascal, s'étant établi dans un fauteuil doré de l'autre côté de la table où se tenait le prince, s'empara tout d'abord d'un couteau à papier en nacre de perles qu'il trouva sous sa main et qu'il commença de faire incessamment évoluer en disant « Monseigneur, si vous le voulez bien, parlons affaires. Car je dois être à une heure précise au faubourg Saint-Marceau, chez un manufacturier de mes amis. » « Je vous ferai remarquer, monsieur, répondit le prince en se contraignant à peine, que j'ai bien voulu renvoyer demain toutes les audiences que je devais donner aujourd'hui afin de pouvoir vous consacrer tout mon temps. C'est trop aimable à vous, monseigneur, mais venons-en au fait. » Le prince prit sur la table une longue feuille de papier ministre et, la remettant à monsieur Pascal, lui dit « Cette note vous prouvera, monsieur, que toutes les parties intéressées à la cession que l'on me propose non seulement m'autorise formellement à l'accepter, mais encore m'y engage vivement et sauvegarde même toutes les éventualités de mon acceptation. » Monsieur Pascal, sans bouger de son fauteuil, tendit sa main d'un côté à l'autre de la table pour recevoir la note et la prit en disant « Il n'y avait absolument rien à faire sans cette garantie. » Et il se mit à lire lentement, tout en mordillant le bout du couteau de nacre dont il ne se dessaisissait point. Le prince attachait un regard inquiet, pénétrant sur M. Pascal, tâchant de deviner à l'expression de ses traits s'il trouvait dans la note les garanties qu'il devait y chercher. Au bout de quelques instants, M. Pascal s'interrompit de lire, disant entre ses dents d'un air fâché, comme se parlant à soi-même, « Voilà un article 7 qui ne me va point du tout, mais du tout. Expliquez-vous, monsieur, » s'écria le prince avec angoisse. « Pourtant, » continua M. Pascal en reprenant sa lecture, sans répondre à l'archiduc et en affectant toujours de se parler à lui-même. « Cet article 7 se trouve corrigé par l'article 8, oui. Mais au fait, c'est assez bon, c'est très bon même. » Le front du prince s'éclaircit, car vivement préoccupé des puissants intérêts dont M. Pascal devenait forcément l'arbitre, il oubliait l'impertinence et la méchanceté calculée de ce personnage qui trouvait, lui, une âpre jouissance à faire passer lentement sa victime par toutes les perplexités de la crainte et de l'espoir. Au bout de quelques instants, nouvelles anxiétés du prince. M. Pascal s'écriait « Impossible, cela impossible! Pour moi, tout serait annulé par ce premier article supplémentaire, c'est une dérision !»« Mais enfin, monsieur, s'écria le prince, parlez clairement !»« Pardon, monseigneur, en ce moment je lis pour moi. » Tout à l'heure, si vous le voulez, je lirai pour nous deux. » L'archiduc baissa la tête, rougit d'indignation contenue, parut découragé et appuya son front dans l'une de ses mains. Monsieur Pascal, tout en poursuivant sa lecture, jeta la dérobée un regard sur le prince et reprit quelques moments après d'un ton de plus en plus satisfait. « Voilà du moins une garantie certaine, incontestable. » Et comme le prince semblait renaître à l'espérance, M. Pascal ajouta bientôt « Malheureusement, cette garantie est isolée de… » Il n'acheva pas et continua silencieusement sa lecture. Non, jamais solliciteur aux abois venant implorer un hautain et distrait protecteur, jamais emprunteur désespéré s'adressant humblement à un prêteur rogue et fantasque, jamais accusé cherchant à lire sa grâce ou sa condamnation dans le regard de son juge, n'éprouvèrent les tortures que ressentit le prince pendant que M. Pascal lisait la note dont il devait prendre connaissance et qu'il remit bientôt sur la table. « Eh bien, monsieur, lui dit le prince en dévorant son impatience, que décidez-vous? Monseigneur, voudriez-vous, s'il vous plaît, me prêter une plume et du papier? » Le prince poussa un encrier, une plume et du papier devant M. Pascal. Celui-ci commença une longue série de chiffres, tantôt levant les yeux au plafond comme pour calculer de tête, tantôt murmurant à mi-voix des phrases incomplètes telles que « Non, je me trompais, car… mais j'oubliais… c'est évident. La balance serait égale si… » Après une longue attente de la part du prince, M. Pascal rejeta la plume sur la table, replongea ses deux mains dans les goussets de son pantalon, renversa sa tête en arrière en fermant les yeux comme pour faire mentalement une dernière supputation, puis, se redressant bientôt, il dit d'une voix brève, tranchante « Impossible, monseigneur. Comment, monsieur ? s'écria le prince consterné. « Vous m'aviez affirmé lors de notre premier entretien l'opération faisable ?»« Faisable, monseigneur, non point faite. » »« Mais cette note, monsieur, cette note jointe aux garanties que je vous ai offertes ?»« Ce que propose cette note complète, je le sais. Les sûretés indispensables à une opération pareille. » « Alors, monsieur, d'où vient votre refus ?»« De raisons particulières, monseigneur. » « Mais encore une fois, est-ce que je ne vous offre pas toutes les garanties désirables ?»« Si, monseigneur. » »« Je vous dirais même que je regarde l'opération non seulement comme faisable, mais encore comme sûre et avantageuse pour celui qui voudrait la tenter. »« Ainsi, je ne doute pas, monseigneur, que vous ne trouviez... »« Eh, monsieur !» s'écria le prince en interrompant Pascal. « Vous savez qu'en ce moment de crise financière, et pour d'autres raisons dont vous êtes aussi bien instruit que moi, vous êtes le seul qui puisse vous charger de cette opération. »« La préférence de votre Altesse royale m'honore et me flatte infiniment, » dit M. Pascal avec un accent de reconnaissance ironique. « Aussi je regrette doublement de ne pouvoir y correspondre. » Le prince sentit le sarcasme et reprit en feignant de s'offenser de voir sa bienveillance méconnue. « Vous êtes injuste, monsieur. La preuve que je tenais à traiter cette affaire avec vous, c'est que j'ai refusé d'entendre les propositions de la maison Durand. » « Je suis presque certain que c'est un mensonge, » pensa M. Pascal. « Mais il n'importe, j'éclaircirai la chose. D'ailleurs, cette maison m'inquiète et parfois me gêne. Heureusement, grâce à ce fripon de Marcelange, j'ai un excellent moyen de parer à cet inconvénient pour l'avenir. » « Une autre preuve que je tenais à traiter cette affaire directement, personnellement avec vous, monsieur Pascal, » continua le prince avec un accent de déférence, « c'est que je n'ai voulu aucun intermédiaire entre nous, certain que nous nous entendrions, que nous devions nous entendre. Oui, » ajouta l'archiduc d'un ton de plus en plus insinuant, « j'espérais que ce juste hommage rendu à votre capacité financière, si universellement reconnue, ah, monseigneur, à votre caractère aussi honorable qu'honoré. Monseigneur, en vérité, vous me comblez. » J'espérais, dis-je, mon cher monsieur Pascal, qu'en venant franchement à vous pour proposer quoi, une opération dont vous reconnaissez vous-même les avantages et la solidité, vous seriez sensible à ma démarche, car elle s'adressait non moins aux financiers qu'à l'homme privé. J'espérais enfin pouvoir vous assurer, en outre des avantages pécuniaires, des témoignages plus particuliers de mon estime et de ma reconnaissance. Monseigneur, je le répète, mon cher monsieur Pascal, de ma reconnaissance, puisque tout en faisant une excellente opération, vous m'auriez rendu un immense service. Car vous ne sauriez croire quelles peuvent être pour mes intérêts de famille les plus chers les conséquences de l'emprunt que je sollicite de vous. Monseigneur, j'ignorais. Et quand je vous parle d'intérêts de famille, s'écria le prince en interrompant M. Pascal, qu'il espérait de plus en plus ramener. « Quand je vous parle d'intérêt de famille, ce n'est pas assez. Une haute question d'État se rattache à la cession du duché que l'on m'offre et que je ne puis acquérir sans votre puissant secours financier. Ainsi, en me rendant un service personnel, vous seriez encore grandement utile à ma nation. » Et vous savez, mon cher monsieur Pascal, comment les grands empires s'acquittent des services d'État. Excusez mon ignorance, monseigneur, mais j'ignore complètement la chose. Le prince sourit, garda un moment le silence, et reprit avec un accent qu'il crut irrésistible. Mon cher monsieur Pascal, connaissez-vous le célèbre banquier Tortolia? Je le connais de nom, monseigneur. Savez-vous qu'il est prince du Saint-Empire? « Prince du Saint-Empire, monseigneur ?» reprit Pascal avec ébahissement. « Je tiens mon homme, » pensa le prince, et il reprit tout haut. « Savez-vous que le banquier Tortolia est grand dignitaire des ordres les plus enviés ?»« Il serait possible, monseigneur ?»« Cela n'est pas seulement possible, mais cela existe, mon cher monsieur Pascal. Or, je ne vois pas pourquoi l'on ne ferait pas pour vous ce que l'on a fait pour monsieur Tortolia. » « Plaît-il, monseigneur ?»« Je dis, » répéta le prince en appuyant sur les mots, « je dis que je ne vois pas pourquoi un titre éclatant, de haute dignité, ne vous récompenserait pas aussi. »« Moi, monseigneur ?»« Vous ?»« Moi, monseigneur, je deviendrai le prince Pascal. Pourquoi non ? Allons, allons, monseigneur veut rire de son pauvre serviteur. Personne n'a jamais douté de mes promesses, monsieur, et c'est presque m'offenser que de me croire capable de rire de vous. Alors, monseigneur, c'est moi qui rirai de moi-même, et très fort, et très haut, et toujours, si j'étais assez bête pour avoir la velléité de me déguiser en prince, en duc ou en marquis, dans le carnaval nobiliaire de l'Europe. Voyez-vous, monseigneur, je ne suis qu'un pauvre diable de plébéien. Mon père était colporteur, j'étais homme de peine. J'ai mis quelques sous de côté en faisant mes petites affaires. Je n'ai pour moi que mon gros bon sens. Mais ce bon sens-là, monseigneur, m'empêchera toujours de m'affubler en marquis de la Jeannotière. C'est un très joli conte de Voltaire. Il faut lire cela, monseigneur. Et ce, à la plus grande risée de ces malignes gens qui s'amusent comme ça à emmarquiser ou à emprinciser le pauvre monde. L'archiduc était loin de s'attendre à ce refus et à cette amère boutade. Cependant, il fit bonne contenance et reprit d'un ton pénétré « Monsieur Pascal, j'aime cette rude franchise, j'aime ce désintéressement. Grâce à Dieu, il est d'autres moyens de vous prouver ma reconnaissance, et un jour, mon amitié, votre amitié, à moi, monseigneur, c'est parce que je sais ce qu'elle vaut, ajouta le prince avec une imposante dignité, que je vous assurerai de mon amitié si... Votre amitié à moi, monseigneur, reprit M. Pascal en interrompant le prince, votre amitié à moi, qui est, disent les méchants, centuplée mon petit avoir par des moyens hasardeux, quoique je sois sorti blanc comme une jeune colombe de ces accusations calomnieuses. C'est parce que vous êtes, ainsi que vous le dites, monsieur, sorti pur de ces odieuses calomnies dont on poursuit tous ceux qui s'élèvent par leur travail et par leur mérite, que je vous assurerai de mon affectueuse reconnaissance, si vous me rendiez l'important service que j'attends de vous. Monseigneur, je suis, on ne peut plus toucher, on ne peut plus flatter de vos bontés, mais malheureusement, les affaires sont des affaires, dit M. Pascal en se levant, et cette affaire-ci, voyez-vous, ne me va point. C'est dire à votre Altesse royale combien il m'en coûte de renoncer à l'amitié dont elle a bien voulu m'offrir l'assurance. À cette réponse, d'une amère et humiliante ironie, le prince fut sur le point d'éclater. Mais songeant à la honte et à l'inutilité d'un pareil emportement, il se contint, voulut tenter un dernier effort et reprit d'un ton pénétré. Ainsi, monsieur Pascal, il sera dit que je vous aurais prié, supplié, imploré en vain. Ces mots, accentués avec une poignante sincérité, prier, supplier, implorer, parurent aux yeux du prince impressionner M. Pascal, et l'impressionnèrent en effet. Jusqu'alors, pour lui, l'archiduc n'était pas encore descendu assez bas. Mais en voyant ce royal personnage, après de si durs refus, s'abaisser jusqu'à la prière, jusqu'à une humble supplication, M. Pascal éprouva une de ces âpres jouissances qu'il savourait alors doublement. Le prince, le voyant garder le silence, le crut ébranlé et ajouta vivement « Allons, mon cher monsieur Pascal, ce n'est pas en vain que j'aurais fait appel à la générosité de votre cœur. » « En vérité, monseigneur, répondit le bourreau, qui, sachant l'opération bonne, était au fond disposé à la faire, mais qui voulait y trouver profit et plaisir. « En vérité, vous avez une manière de dire les choses. » Les affaires, je le répète, ne devraient être que des affaires, et voilà que, malgré moi, je me laisse, comme un enfant, prendre au sentiment. Je suis d'une faiblesse. Vous consentez, s'écria le prince radieux. Et dans son premier moment de joie, il saisit avec effusion les deux mains du financier dans les siennes. Vous consentez, mon digne et bon monsieur Pascal. Comment vous résistez, monseigneur ? Enfin ! S'écria l'archiduc en respirant avec une joie profonde et comme s'il eût été dès lors dégagé d'une cruelle obsession. Enfin ! Seulement, monseigneur, reprit M. Pascal, Je mettrai une petite condition. Oh, qu'à cela ne tienne, quelle qu'elle soit, j'y souscris d'avance. Vous vous engagez peut-être plus que vous ne le pensez, monseigneur. Que voulez-vous dire ? S'écria le prince avec une légère inquiétude. De quelles conditions voulez-vous parler ? Dans 3 jours d'ici, monseigneur, jour pour jour, je vous la ferai connaître. Comment ? Dit le prince, stupéfait et atterré. Encore des retards ? Comment ? Vous ne me donnez pas votre parole définitive ? Dans 3 jours, monseigneur, je vous la donnerai, si vous acceptez ma condition. Mais cette condition, dites-la-moi maintenant. Impossible, monseigneur. Mon cher monsieur Pascal. Monseigneur, reprit l'autre d'une voix grave et sardonique, je n'ai point l'habitude de m'attendrir 2 fois de suite dans une séance. Voici l'heure de mon rendez-vous au faubourg Saint-Marceau. J'ai l'honneur de présenter mes respectueux devoirs à votre Altesse royale. Monsieur Pascal, laissant le prince plein de dépit et d'anxiété, allait atteindre la porte lorsqu'il se retourna et dit « C'est aujourd'hui lundi, donc ce sera jeudi à 11 heures que j'aurai l'honneur de revoir votre Altesse royale pour lui soumettre ma petite condition. »« Soit, monsieur, à jeudi. » Monsieur Pascal salua profondément et sortit. Lorsqu'il passa dans le salon de service où se tenaient les aides de camp, tous se levèrent respectueusement, connaissant l'importance du personnage que le prince venait de recevoir. M. Pascal fit à ses officiers un salut de tête protecteur, et quitta le palais comme il y était entré, les 2 mains dans ses goussets, se donnant le plaisir, cet homme ne perdait rien, de s'arrêter un instant devant la loge du Suisse et de lui dire « Eh bien, monsieur le drôle, me reconnaîtrez-vous une autre fois ?» Le fonctionnaire de la loge, tout décontenancé, salua profondément et balbutia « Oh, je reconnaîtrai monsieur maintenant. Je supplie monsieur de vouloir bien m'excuser. » « Il me supplie, » dit à mi-voix monsieur Pascal avec un sourire amer et sardonique. « Ils ne savent tous que supplier, depuis l'Altesse royale jusqu'au portier. » Monsieur Pascal, en sortant de l'Élysée, retomba dans ses cruelles préoccupations au sujet de la jeune fille dont il avait surpris le secret accord avec le comte Franz de Neuberg. Voulant savoir si elle demeurait dans la maison contiguë au palais, il allait tenter de se renseigner, lorsque, réfléchissant que c'était peut-être compromettre ses projets, il résolut d'arriver sans imprudence au but qu'il se proposait et d'attendre le soir. Avisant alors une citadine qui passait à vide, il fit signe au cocher de s'arrêter, monta dans la voiture et lui dit « Faubourg Saint-Marceau, 15, à une grande usine dont on voit la cheminée de la rue. »« L'usine de Monsieur Dutertre ?»« Je sais, bourgeois, je sais. Tout le monde connaît ça. » Le fiacre s'éloigna.